Ndikomanyanga. Alphonse Koubgimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro, à ce journal dont voici d'abord le sommaire. 6 personnes tuées, brûlées vives et une autre grièvement blessée. C'est le bilan d'une justice populaire survenue lundi 30 juin sur la colline Gassarara. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Les personnes sauvagement assassinées étaient accusées de sorcellerie par leurs voisins, selon les sources administratives sur place. La province scolaire de Karoussi a enregistré plus de 6700 cas d'abandon scolaire au cours des deux premiers trimestres de cette année scolaire dans cette province. Et certains des élèves ainsi que des parents évoquent la pauvreté dans les familles comme l'une des principales causes de ces cas. Et certains habitants de la capitale économique Bujumbura crient au bouchage de certains regards qui sont au bord de certaines rues et avenues, source d'insécurité routière. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. 6 personnes accusées de sorcellerie ont été brûlées vives et une autre a été grièvement blessée ce lundi à Gassarara, en zone Nyabibondo, de la commune Nyabiraba. Nous sommes dans la province de Bujumbura, selon le gouverneur de cette province, Désiré Nsengiyumva, ayant expliqué que les victimes de cet assassinat ignoble étaient accusées de sorcellerie. Cette autorité souligne que suite à la clandestinité de la localité où s'est produit cet incident, la police est intervenue tardivement. L'inhumation de ces personnes sauvagement assassinées a eu lieu ce mardi. Désiré Nsengiyumva, le gouverneur de la province de Bujumbura, a fait savoir que 12 personnes ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête et suivez-le. Il est traduit en français par Jean Dudu Irakote. Cumba wa Gasarara kumamaze kuvyumva harabaye ikibazo cy'ingorane zikomeye abene gihugu bagiye birara mu bande bene gihugu. À la colline Gasarara, comme vous l'avez déjà entendu, il y avait eu un problème sérieux où les habitants ont tué les autres sur fond d'accusations de sorcellerie. Là, 6 personnes ont été brûlées vives au moment où une autre est hospitalisée. Comme c'est une localité reculée, il était impossible que les agents de sécurité interviennent rapidement. En dehors de cela, 2 parmi ces personnes brûlées se sont parvenues à arriver à l'hôpital, mais malheureusement, elles sont toutes mortes pendant cette même nuit. Nous avons pris des mesures de faire des investigations pour que les acteurs de cette tuerie puissent être poursuivis en justice. Nous avons mis en place une commission des magistrats qui suit de près ce dossier. Donc, jusqu'à maintenant, 12 personnes ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête approfondies. Nous avons d'abord procédé à l'enterrement des victimes, car il n'y a pas de morgue dans la localité. C'était la Désiré Nsengiyumva, gouverneur de la province de Bujumbura. Le nombre de demandeurs de documents de voyage et passeports ont sensiblement augmenté ces 6 derniers mois au guichet unique provincial de Kayanza, au moment où ce service a délivré 502 passeports seulement en 2024. Daleyman Sosten, directeur provincial du guichet unique à Kayanza, indique que depuis le début de cette année en cours à nos jours, plus de 1700 personnes se sont confiées à ce guichet à la recherche de ce document. Il indique que la majorité des demandeurs de ce document de voyage qui veulent se rendre dans des pays limitrophes et dans les pays arabes à la recherche d'emploi ont été servis. Toutefois, depuis novembre l'an 2024, les laissez-passer ne sont pas délivrés à ce guichet à cause d'un problème technique qui a eu lieu, d'après le directeur de ce service, Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. D'après les données chiffrées recueillies auprès du bureau provincial du Cheniké à Kayanza, pendant la période de janvier à juin l'an courant, 1772 personnes se sont présentées à ce service à la recherche des passeports et parmi ces documents, environ 996 ont été déjà délivrés selon les mêmes données. Sostene Ndereimana, responsable du Cheniké provincial à Kayanza, indique que même ces passeports qui restent seront bientôt disponibles. Durant la même période, indique le responsable du guichet unique provincial à Kayanza, 732 permis de conduire ont été validés et 26 permis de conduire provisoires ont été délivrés. Sostene Ndereimana a précisé également que pendant ces 6 derniers mois, 86 attestations de bonne conduite et vie et mœurs ont été délivrées également. Toutefois, depuis novembre l'an 2024, de nos jours, les documents de voyage de type laissez-passer ne sont pas délivrés à Kayanza et le responsable du guichet unique provincial parle d'un problème technique, mais ne manque pas à tranquilliser les habitants qui veulent se doter de ce document que le problème sera bientôt résolu. Sostene Ndereimana a fait savoir que la forte demande des passeports a comme cause les jeunes qui cherchaient beaucoup ces documents pour franchir la frontière à la recherche de l'emploi. Ndereimana Sostene, responsable du guichet unique provincial à Kayanza, déplore que dans cette province, certains des habitants ne s'intéressent guère à la recherche des permis de conduire. Où on trouve que certains conducteurs à moto n'ont pas de permis de conduire. Il les invite à couper court à cette mauvaise pratique, mais plutôt se confier au guichet unique provincial à Kayanza pour l'obtention de ce document. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva pour tous ces détails. Cela étant, les nouveaux tarifs pour ces documents de voyage conformes à la loi budgétaire exercice 2025-2026 au niveau national a été mis en application depuis le 1er juillet de cette année. Selon cette loi budgétaire, le passeport coûte 300 000 francs au moment où ce document coûtait 235 000. Le laissez-passer coûte actuellement 50 000 alors qu'auparavant, il coûtait 30 000 francs burundais, tandis que le document dit CPGL coûte 30 000 francs alors qu'il coûtait 18 000 francs burundais avant. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'actualité continue sur Sanganiro, je vous le disais en titre. Certains habitants de la ville de Bujumbura se plaignent de regards non couverts visibles dans certaines rues qui constituent un danger pour leur santé. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi expliquent que ces trous provoquent des accidents et favorisent le vol, car certains voleurs s'y cachent après avoir dépouillé aux passants de tous leurs biens. Ils demandent aux autorités compétentes de boucher ces trous pour sécuriser la voirie urbaine. Le reportage est de Claude Itangishaka. Ce sont des citoyens qui apportent des conséquences posées par des regards non couverts situés sur l'avenue d'Oliprona au centre-ville de Bujumbura. Certains affirment qu'ils sont à l'origine d'accidents. Des personnes comme des véhicules tombent souvent dans ces regards. Cette situation dure environ un mois et demi. Les victimes ne savent pas qui saisir dans pareil cas. Elles portent elles-mêmes le coup à l'hôpital en cas de blessure, car ce n'est pas facile de sortir indemne si on y tombe. Si rien n'est fait, cette situation pourra occasionner des morts. En plus des accidents, ils ajoutent que ces regards sont également utilisés par des malfaiteurs pour voler les passants. Avant-hier, un voleur m'a arraché mon téléphone et il a filé par là. Je n'ai même pas pu courir derrière lui. Tu vois comment ce fossé-là est si trop profond. Tous demandent qu'il soit couvert pour la sécurité des usagers de cette route. Adresser nos doléances aux autorités chargées des routes afin qu'ils puissent apporter des couverts pour couvrir ces regards. Ces habitants précisent que certains de ces regards d'évacuation des eaux de ruissellement passent plus de 2 mois sans être débouchés suite à la détérioration de leur couvercle. Merci à Claudie Tanguishaka pour ce reportage. À cette question, Jimmy Ndaishimiye, conseiller du maire de la ville de Bujumbura, chargé de questions de sécurité, dit qu'ils sont au courant de ce regard et que nombreux ont été bouchés ces derniers jours. Il tranquillise en disant que tous ces regards seront bouchés dans une semaine. Suivez-le. Ces trous peuvent être source d'insécurité pour les habitants de la capitale, pour les passagers ainsi que les véhicules. De plus, nous avons déjà remarqué ces trous. Les voleurs les utilisent en se cachant. C'est pour ce rang qu'on a déjà contacté les services techniques de l'Obuha et de l'ARB pour la mise en état de ces routes. Nous avons déjà informé la police de l'orage. En plus de cela, on a mis des signaux pour l'orientation de la population, pour les montrer qu'il y a un danger. Je pense que d'ici peu de jours, on ne va pas remarquer encore ces trous dans ces routes. C'était là le conseiller du maire de la ville de Bujumbura chargé de la sécurité. Restons dans Bujumbura, la capitale économique où certains habitants de la ville saluent la décision du ministre de la Santé publique de fermer les pharmacies hors normes. Tandis que d'autres estiment que le gouvernement ne devrait pas attendre qu'elles soient opérationnelles. Ce citoyen estime que le gouvernement devrait montrer à ses pharmacies comment fonctionner conformément à la loi sans toutefois les fermer. Suivez. Les mesures prises par la ministre de la Santé publique, quant à moi, n'étaient pas bonnes. Parce que même si ces pharmacies travaillent illégalement, on ne sait pas comment on les a ouverts. C'est pourquoi on fait des démarches pour avoir les normes efficaces pour qu'ils fonctionnent. Ce qui est la cause principale, c'est que l'État a donné l'autorisation d'ouverture sans toutefois analyser les documents. Les pharmacies doivent fonctionner dans la légalité. S'il y en a ceux qui fonctionnent dans l'illégalité, bien sûr qu'il faut les prévenir ou les fermer. Si on remarque qu'il est tellement difficile de régulariser les normes qu'ils n'ont pas respectées. Le problème qui va se poser est celui qui est lié à la hausse des prix des médicaments. Mais ce que je peux conseiller aux dirigeants qui sont en charge de cette action, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il faut que tous les pharmaciens subissent les mêmes normes. Et surtout, il faut tenir compte du poids qui va être pesé sur les usagers ou bien les bénéficiaires de ces médicaments. Si on ferme sans prévoir une autre voie de sortie, ça sera catastrophique. Les propos de ces habitants de la capitale ont été recueillis par Stella Naïchimiye. Plus de 6700 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés au cours des deux premiers trimestres de cette année scolaire dans la province de Karoussi. Et selon le directeur provincial de l'éducation dans cette province, certains élèves ainsi que des parents évoquent la pauvreté dans les familles comme l'une des principales causes de ces cas, tandis que d'autres évoquent de la paresse des enfants. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Fenadeba Karoussi, confirme aussi la pratique de la traite des enfants. L'administration appelle la population à dénoncer les auteurs de cette infraction afin qu'ils soient traqués et punis conformément à la loi. Le reportage est signé Clovis Niyongout. Comme le disent certains enfants ainsi que leurs parents, les raisons pour lesquelles les enfants abandonnent l'école sont multiples, mais la pauvreté est la principale cause. Igirubuntu Richard, un enfant originaire de la colline Kigoma de la commune Buhiga, qui a abandonné l'école étant en cinquième année, a expliqué qu'il peut y retourner une fois qu'il trouve quelqu'un pour l'aider, tout ajoutant que son ambition est de terminer ses études. Je peux manquer de l'argent, le savon, l'uniforme scolaire, les stylos et les autres matériels nécessaires. Je voudrais continuer mes études une fois que je trouve un bienfaiteur qui pourrait m'aider financièrement et surtout de quoi à manger. Vraiment, j'ai l'ambition d'étudier jusqu'au bout. Quand la Janine, la mère de cet enfant, confirme que son fils a quitté l'école à cause de la pauvreté, c'est au moment où d'autres parents parlent de la paresse chez certains enfants, comme l'indique celle-ci. Je faisais le tout possible pour que mes enfants puissent rester à l'école. Je le disais même au directeur et leurs enseignants, mais en vain. Bien sûr, ils rencontreront des problèmes à l'avenir parce qu'on dit souvent que même un soldat, un policier ou un domestique devra avoir fréquenté l'école. Quel est l'avenir de ces enfants s'ils ne fréquentent pas l'école? Je peux même m'engager à passer une nuit blanche pour pouvoir avoir tout le matériel nécessaire pour l'enfant, afin qu'il puisse étudier, mais en vain. Vraiment, si l'enfant n'est pas paresseux, il devrait étudier jusqu'à la fin de ses études. Adolphe Nitegeka, directeur du lycée Buhiga, qui compte déjà 34 cas d'abandon scolaire au cours de cette année, explique que les mariages et les grossesses en milieu scolaire sont d'autres raisons des abandons scolaires chez les filles. Au lycée Buhiga, cette année scolaire 2024-2025, nous avons commencé avec un total de 351 élèves. Et nous déplorons que 34 élèves jusqu'à aujourd'hui ont abandonné l'école. Et cela pour diverses raisons. Ce que nous avons pu savoir, il y a entre autres les maladies. Et d'autres, pourrait dire l'exode, ils vont dans d'autres pays pour la recherche de la vie. Mais aussi nous avons vu d'autres élèves qui ont abandonné pour des raisons inconnues. Nizgama Sylvane, représentante de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine des enfants FENADEB à Karoussi, indique que certaines personnes pratiquent la traite des enfants. Toutefois, elle précise que cette fédération collabore avec les autorités administratives pour lutter contre ce fléau. Marie-Gorette Benimana, conseillère juridique du gouverneur, lance un appel à toutes les personnes qui voient quelqu'un entraîner des enfants à l'abandon scolaire de le dénoncer afin que ses enfants puissent retourner sur le banc de l'école. Nous sensibilisons toujours les citoyens, les chefs de zone, les administrateurs communaux, donc toutes les autorités administratives, de veiller à ces gens-là qui pratiquent cette infraction de la traite des enfants. Toute personne reconnue coupable de cette infraction doit être sérieusement sanctionnée. Cette même autorité administrative rappelle que toute personne est reconnue coupable de cette infraction est punie d'une servitude pénale de 25 ans. Parle, rassure-moi. Le phénomène de favoritisme commence à se remarquer au quotidien dans certains secteurs, notamment dans l'administration et d'autres domaines. Selon Tade Kaboura, expert en résolution pacifique des conflits, indique que cette situation trouve souvent origine dans la pauvreté et l'égoïsme. Cependant, les habitants de la colline Remera, située dans la zone Chombo de la province de Muramvya, ainsi que leurs autorités locales, affirment que ce phénomène n'a plus cours chez eux. Ils expliquent avoir définitivement tourné plutôt la page sur cette pratique qui, selon eux, est source de division et peut engendrer des conflits. Francine de Koukache. Umuntu ateye imbere yajana biwawe gusa. Umisi yahera hariho kamana mama. Rencontrés sur la colline Remera, ses habitants admettent que le favoritisme existe dans plusieurs secteurs. Chacun, disent-ils, cherche souvent à venir en aide aux siens. Toutefois, ils précisent que dans leur localité, cette pratique est surtout connue pour avoir marqué le passé. Le favoritisme se manifeste toujours. Prenons l'exemple d'une personne occupant un poste au sein d'un hôpital. Si cette personne, ayant 5 enfants, parvient à trouver à tous un emploi au sein de la même institution, n'y a-t-il pas d'autres familles, toutes aussi dans le besoin? Il arrivait autrefois que certains administrateurs ou les gouverneurs favorisent uniquement leur famille lorsqu'il s'agissait de distribuer des ressources ou des aides sur leur colline. Par exemple, lors de la distribution des vaches, on a vu des cas où le chef en réservait uniquement à ses proches, laissant les autres de côté. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand une opportunité se présente, que ce soit au niveau de la commune ou de la province, elle est partagée équitablement entre tous. Ce n'est plus comme avant, les gens ne se plaignent plus. Une affirmation confirmée par l'administrateur de la commune Muramvya, Douayezu Espérance, qui reconnaît qu'autrefois, certains responsables étaient gagnés par cette habitude. Elle souligne toutefois qu'aujourd'hui, cela n'a plus sa place, surtout pour une personne élue, censé représenter tous les citoyens sans distinction. En tant qu'élite, il est parfois tentant de privilégier ses proches. On pourrait imaginer une situation où l'on est censé identifier les personnes démunies, mais qu'au lieu de cela, on se tourne vers sa propre famille, lui attribuer des avantages. Nous avons collectivement mis fin à de telles méthodes, car elles sont source de honte. Il est en effet embarrassant de se retrouver à aider ceux qui ont déjà les moyens. Être élite signifie garantir une égalité de traitement pour l'ensemble des citoyens. Malgré cela, Tade Kaboura, expert en résolution pacifique des conflits, affirme que ce phénomène persiste encore. Il attribue notamment à la pauvreté persistante et au repli sur soi qui renforce les comportements de favoritisme. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, vous comprendrez qu'il y a des critères qui seront définis par celui qui octroie les faveurs. Et ces critères ne sont pas toujours objectifs. C'est pourquoi on va voir, il faut que celui qui est proche, celui qui est un ami, celui qui est d'un groupe politique, d'un groupe ethnique. Une autre raison, c'est qu'il y a la volonté de ceux qui accordent ces faveurs, de vouloir contrôler ceux qui les dirigent. Et lorsqu'on octroie des faveurs, c'est facile de contrôler ceux à qui on a octroyé les faveurs. Une autre raison que je peux exprimer, c'est que lorsqu'il y a moins d'opportunités, il y a aussi la pauvreté. Le souci de ceux qui octroient les faveurs, c'est de pouvoir se protéger. Parce que quand il possède seul, il sait dorénavant que ses proches viendront chercher quelques services chez lui. Et lorsqu'il y a des gens qui sont désespérés, au niveau des services, il n'y a pas de rendement. Cela peut conduire à des violences. Parce que, prenez par exemple les jeunes qui n'ont pas d'espoir du lendemain, il y a une sorte de frustration qui est généralisée et qui peut être exploitée par des malfaiteurs. Pour cet expert, un responsable qui continue à favoriser les siens au détriment de l'intérêt général trahit sa mission. Il appelle ainsi les autorités à promouvoir l'équité et la cohésion sociale, condition essentielle selon lui pour bâtir un développement national inclusif et durable. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikubanyanga. Bonne suite de nos programmes.